DAM 2011, mise au point, mes confidences, yeah, nigga. Quand tout va mal et rien ne s'arrange, je viens faire part mes confidences. Quand tout va mal et rien ne s'arrange, faire part mes confidences. Je veux faire part mes confidences, car je sais que vous êtes fidèles. Je peux vous faire confiance, on m'a déjà coupé les ailes. J'ai compté tous mes efforts, au lieu de taffer comme un taré, je me suis jeté un mauvais sort, comme si ma vie était flinguée. J'ai jamais manqué d'argent, dans ce domaine je suis aisé. Je m'excuse auprès des gens que j'ai pu un jour blesser. Pardonnez-moi d'avoir une vie et d'avoir des sentiments. Si on appelle ça une vie, je voudrais connaître l'inversement. Je me renferme sur moi-même quand un problème vient me toucher, et je bouge pas dû à la flemme que la hantise m'a procuré. J'ai des trucs à révéler, alors je chante, c'est plus facile. Mon stylo reste scellé quand on parle de l'asile. Pourquoi tout va si mal? J'ai pris le train de l'opposé. Dans chaque domaine, on me recale comme si j'étais un névrosé. Yeah. Quand tout va mal et rien ne s'arrange, je viens faire part mes confidences. Quand tout va mal et rien ne s'arrange, je viens faire part mes confidences. Submergé par la colère, je remplis ces feuilles avec la rage. Je suis d'un froid polaire quand il s'agit de tourner la page. Niveau amour, y'a pas plus nul. Je suis seul tout depuis la naissance, et je reçois pas mal d'insultes quand je dis que je viens pas de la France. Je voudrais un jour m'exiler dans mon pays, tout ira mieux. J'ai jamais voulu dealer, même si ça pouvait me rendre heureux. Je cherche des réponses, pourquoi l'enfer m'est réservé. Dans la vie on m'a dit fonce, mais j'ai les pneus qui sont crevés. Je suis pas un homme honnête, car je fraude sans raison. Et tu sais, les jours de fête, je m'isole comme un con. Je dédie tout ce travail à ma famille, à mes refrains. La gloire est un feu de paille qui se consume sans l'allumer, dame. Quand tout va mal et rien ne s'arrange, je viens faire part mes confidences. Quand tout va mal et rien ne s'arrange, je viens faire part mes confidences.